Oui, on a buté le sport local et régional en parlant des Saguenay de Chicoutimi, des Saguenay qui ont joué pour 500 en fin de semaine contre les Drakkars de Baie-Comeau. Ils ont gagné 5 à 2. Olivier Galipo a marqué 2 buts et une passe. Il y a Kevin Clément qui a également marqué un but et une passe. De même que Félix-Antoine Marcotti qui a marqué un but. Dans ce match, Jérémy Boivin a été blanchi. Et vendredi, défaite des Saguenay 4 à 1 sur les Drakkars de Baie-Comeau. Et dans ce match, Samuel Hood a marqué un but. Les Huskies de Rouyn-Noranda ont perdu 4 à 3 contre les Foreurs de Val-d'Or. Du côté des Marquis de Jonquière, ils ont gagné 5 à 2 sur le Cool de Saint-Georges-de-Beauce. Dans ce match, ça a été un but pour Simon Tremblay. Les Élites de Jonquière, tant qu'à eux, ont gagné 3 à 2 sur le Rousseau Royal. Charles Tremblay de Saint-Félicien, un but, une passe. Il y a Mickey Sim à Wachiche qui a été blanchi dans cette rencontre. Parlons maintenant de hockey junior régional. À noter que les Éperviers de Normandin, ça va bien pour les Éperviers. Ils ont gagné 5 à 4 contre les Saguenay de Chicoutimi et ils ont gagné également 4 à 0 contre les Sabres de Roberval. Maintenant, du côté de la Ligue Midget Régionale, maintenant, à noter que le Marcos Pop de Saint-Félicien a gagné 5 à 1 sur les Marquis de Jonquière. Dans ce match, Guillaume Tremblay a marqué 2 buts et a ajouté 2 passes. Il y a également Félix Lapointe qui a marqué 1 but. Et ainsi que Guillaume Tremblay qui a marqué 2 buts également. Et le Marcos Pop a gagné également 3 à 2 contre les Saguenay de Chicoutimi. Du côté maintenant des Castors de Dolbeau, ils se sont reclinés hier au complexe sportif du secteur de Dolbeau. Les Castors qui ont perdu 5 à 2 contre les Marquis de Jonquière. Du côté des ambassadeurs de Spoukamo maintenant, les ambassadeurs qui ont blanchi à deux reprises le National de la Baie, ils ont gagné 5 à 0 et 4 à 0. À noter que Frédéric Roy a réussi une paire de buts dans la victoire de 5 à 0. Et dans la victoire de 4 à 0, c'est Louis-David Gagnon qui a marqué un but et amassé une passe. Ligue Bantam régionale maintenant. À noter que les Rapides de Boumsisny ont gagné par le compte de 6 à 3 hier et ils ont perdu également 9 à 2 contre les Patriotes de Saint-Bruno. Du côté des Hurricanes de Massillache, ils ont perdu 3 à 2 face au National de la Baie et ils ont gagné 2 à 0 contre les Basques de Sept-Îles. Football scolaire maintenant, victoire des Gaillards de Jonquière 45 à 0 sur les Genois d'Alma. En fin de semaine, s'est déroulée une compétition de patinage de vitesse sur courte piste qui se déroulait ici même à Dolbeau-Mistassini. Il y avait des athlètes d'un peu partout qui étaient présents. D'abord, dans la catégorie des 6 à 9 ans, Oliane Dufour de Saint-Félicien a pris le troisième rang dans sa catégorie. Groupe Mix 2, Maëlle Gay de Roberval a terminé en première place. Elle était maintenant du côté du groupe Mix 4, Alexia Villeneuve chez les filles a pris le deuxième rang et Loric Gay a terminé au troisième rang. Groupe Mix 5, James Thomas Vanier de Roberval la première place, Ethan Crousette de Roberval la deuxième position et Cédric Vallée la troisième position. Et en novice mix, à noter que Élodie Villeneuve de Dolbeau-Mistassini a pris le premier rang. Parlons maintenant de cross-country. En fin de semaine, s'est déroulée une compétition régionale de cross-country. Ça s'est déroulé à Ville-Saguenay. On va vous donner quelques résultats. Dans les cadets garçons, à noter que la médaille de bronze est allée à Gabriel Lamontagne. Il a terminé au troisième rang avec un temps de 15 minutes 54 secondes. Sixième position pour Alexandre Simard. Septième position pour Michael Simard. Maintenant, huitième place pour Jérémy Péchel, il est de l'école secondaire des Chutes. Et la dixième position est allée à Zachary Fortin. Également, la treizième position à Mathieu Lamontagne et la quatorzième position la quinzième position à Nicolas Simard. Maintenant, du côté des cadets filles, il y avait la dixième position pour Sarah Jeanne Simard, elle est de l'école secondaire des Chutes. Aussi, à noter que la polyvalente 80, Josiane Dubois a terminé au 11e rang. Maïka Pécha a terminé au 12e rang dans sa catégorie. Du côté maintenant des Benjamin Garçons, 10e position pour Jason Godreau, 11e place pour Félix Savard et 12e place pour Frédéric Lavoie. Tous les trois sont de l'école secondaire des Chutes. Gabriel Godreau, dans la même catégorie, Benjamin Garçon a pris le 14e rang et Étienne Maltais a terminé au 15e rang. Le sport local et régional, à donner de sport.com. On s'en occupe.